Chapitre 2e. En ce vendredi 17 mai 1861, le marché de Pertuis battait son plein, comme à l'accoutumée depuis des siècles. Rue Danton, place Mirabeau, les marchands se succédaient de façon ininterrompue. D'un étal à l'autre, même au travers de la rue, on s'interpellait pour échanger des nouvelles, donner des commentaires, raconter des blagues, propos auxquels les clients prenaient volontiers part, même s'ils n'y étaient pas conviés. Toute cette agitation et cette bonne humeur participaient aussi de la réputation du marché de Pertuis, qui drainait les chalands des petits villages alentour, la Tour d'Aigues, la Bastidonne, Ansouy, Ville-l'Or, le Puy-Saintes et Parade, mais aussi de plus loin, certains marchands venant même d'Apt et d'Aix. L'étal de Mireille Pignatel était voisin de celui de Louise Fréjol. La première vendait surtout les fameuses pommes de terre de Pertuis et Trois Lapins, la seconde des salades, des carottes, des radis et des courgettes. Malgré la bonne humeur ambiante et la gouaille des marchands alentour, Louise affichait une mine spectrale, avec un gros hématome sur la joue et une coupure à la lèvre inférieure, qui devait lui rendre la parole difficile puisqu'elle répondait à peine aux propos qu'on lui adressait. Les clientes avaient du mal à comprendre les poids et prix qu'elle annonçait. Mireille l'observait discrètement du coin de l'œil. Plus par miséricorde que par curiosité, profitant d'une accalmie, elle s'approcha de Louise. Cette dernière devança la question de Mireille. « Je me suis cognée, » articula-t-elle. « Ouais, vous ne seriez pas plutôt tombée sur la pogne de votre mari. » Louise baissa la tête en signe d'assentiment. « Pétard de sort, mais qu'est-ce qui lui prend à ce fada? Il a le diable dans le sang ou quoi? Vous êtes toute mignonne et travailleuse, alors que vous reproche-t-il? Vous le trompez ?» Louise haussa les épaules pour signifier l'incongruité de la question. « Non, ce n'est pas cela. Il ne supporte pas les gosses et moi, je refuse absolument qu'il les frappe, alors il se venge sur moi. » Après, il regrette, mais il s'emporte pour un rien et en veut à la terre entière. Au début, quand je l'ai connu, il n'était pas comme ça. Il a changé depuis qu'on est ici. Mireille hocha la tête, montrant ainsi qu'elle compatissait. « Il a peut-être quelqu'un ? » avança-t-elle. Louise haussa de nouveau les épaules. « Je me demande bien quand et où il la verrait. Il se tue à la tâche. Je crois que c'est ça qu'il aigrit. En fait, nous avons du mal à joindre les deux bouts. » Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour vous taper dessus. Si j'étais un homme, j'irais lui casser la gueule pour lui montrer ce que ça fait de prendre des coups. Oh, mais il le sait. Son père le battait comme plâtre. Et alors lui, il fait pareil. Moi, je vais aller prévenir la maréchaussée, vous allez voir. Non, s'exclama Louise, je vous en supplie, ça sera encore pire. De grâce, ne vous en mêlez pas. Il lui faudrait plus de terre pour avoir plus de rendement, mais d'un autre côté, il lui faudra prendre au moins un ouvrier. Et avec quoi on va le payer ? Le profit va passer dans son salaire. « Quand on n'a rien, Madame Pignatel, » dit humblement Louise, « ça n'est pas facile, vous savez. »« Je vous l'accorde, ma belle, mais ce n'est pas une raison pour se déchirer, bien au contraire. Vous auriez besoin de tendresse et d'affection et non pas de brutalité. Et les enfants, comment supportent-ils cette situation ? Oh, eux, ils se rattrapent à l'école. Ils adorent leur maître. C'est un homme doux qui les rassure. En tout cas, ils s'entendent bien tous les deux. » Et ils se défendent l'un l'autre. C'est déjà ça. On ne dirait vraiment pas qu'ils n'ont pas la même mère. La conversation tomba car Louise dut servir une cliente qui la dévisagea d'un drôle d'air en semblant supputer la cause de son hématome. Louise évita son regard et se borna à remplir son panier. Une question brûlait les lèvres de Mireille et elle attendit un nouveau répit pour la poser. « Pourquoi êtes-vous venu ici au lieu de rester à Roquemort? Vous n'étiez pas bien là-bas ? On voulait éviter les commérages du genre. Eh bien, ils ont vite retrouvé chaussures à leurs pieds. Ou alors, ça les démangeait tellement. Enfin, vous voyez le genre. On voulait repartir de zéro, ailleurs. Et puis, Honoré avait eu quelques histoires avec des gens du coin, finit-elle par avouer. Pourtant, vous m'avez dit qu'au début, ils n'étaient pas violents. Louise parut embarrassée par la remarque et mit de l'ordre dans son étal pour se donner une contenance. Comme elle vit que Mireille ne la quittait pas des yeux et attendait une réponse, elle finit par dire « Pas avec moi. Il n'était pas violent avec moi, ni avec les enfants. » « Mais il a toujours été coléreux, voilà, » conclut Mireille, comme si elle terminait une plaidoirie. Louise ne répondit pas, ce qui pouvait passer pour un assentiment. Vers midi moins le quart, le nombre des chalands diminua, et les deux commères commencèrent à empiler les cagettes vides et à trier ce qui devait être jeté. Un personnage assez singulier pénétra alors sur la place Mirabeau. Sa taille et sa carrure ne lui permettaient pas de passer inaperçu. Sorte de géant débonnaire, il avançait d'un pas chaloupé et tout le monde s'écartait sur son passage. Vêtu d'une soutane râpée, le cheveu long, le menton orné d'une barbiche à la Napoléon, le nez chaussé de lorgnon, il se dirigea droit vers Louise qui changea de figure en le voyant et se mit à trembler légèrement. L'homme enleva ses lorgnons et s'inclina devant elle avec un sourire. « Mon père !» balbutia Louise. Comprenant son alarme, l'homme, de sa voix grave et chaude, la rassura tout de suite. « Ne vous inquiétez pas, Madame Fréjol. Vos enfants se portent bien. Ils ont travaillé comme il faut ce matin. Rien à craindre de ce côté-là. » La voix du père Bernac semblait passer ses lèvres sans effort, comme provenant des profondeurs de sa puissante carcasse. Mélodie d'une contrebasse un peu nasillarde, jouant dans les graves. Dès qu'il ouvrait la bouche, les enfants étaient sous son charme. Il aurait pu les conduire au bout du monde sans qu'aucun ne trouve à redire, comme le joueur de flûte de Hamelin. « J'ai besoin de vous parler, Madame Fréjol. » Louise, jetant des regards inquiets alentour, le maître comprit son souci. « Il vaudrait mieux que vous veniez me voir ce soir après la classe. Ne vous inquiétez pas, vos garçons travaillent bien et ce sont des amours. C'est pour autre chose que je veux parler avec vous. » Un peu rassurée, Louise concéda un sourire à ce bon géant. Toutefois, bien qu'elle lui fît entière confiance, elle redoutait un peu ce qu'il pouvait lui dire. Pour donner le change et limiter les commérages, le père Bernac acheta à Louise les deux bottes de radis qui lui restaient et une salade. Puis il retraversa la place Jean Jaurès et fut cordialement salué par plusieurs personnes. Mireille Pignatel, curieuse comme une souris, engagea la conversation pour connaître les raisons de l'entrevue. « Il est gentil, hein, ce père? Il vous a parlé de vos enfants ?»« Oui, il m'a dit qu'il était très content de leur travail. Ça fait toujours plaisir, pas vrai ?» Mireille comprit qu'elle n'en saurait pas plus et resta sur sa faim. « Oh !» se dit-elle, « je finirai bien par savoir. » Louise ne souffla mot du rendez-vous que lui avait donné le père. À midi passé, après avoir gambadé dans les rues de Pertuis, Léon et Michel, les deux enfants de Louise, surgirent sur la place en se poursuivant joyeusement et s'agrippèrent à la jupe de leur mère. Ils l'aidèrent à ranger les cagettes sur la charrette à bras et la petite famille regagna la fermette du quartier des Moulins.